Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Hockey Ciné. On va vous parler de cinéma avec Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Eh ben écoute, très bien quand il s'agit de parler de cinéma. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un film coup de cœur d'Aurore et moi. Il s'agit du film La Maison des Femmes, voilà, qui est sorti le 4 mars dernier, qui est encore à l'affiche, hein, puisqu'il a déjà fait plus de 300 000 entrées, je crois, actuellement. Et je pense que voilà, ça va continuer. Voilà, le film est plébiscité, en tout cas, par à la fois la presse et les spectateurs, puisque il avoisine quand même les 4 étoiles sur 5 sur Allociné, hein, donc ce qui est plutôt une très belle note. Donc qu'est-ce que le film raconte ? Alors, à la Maison des Femmes, entre soins, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance, ensemble avec leur force, leur fragilité, leur conviction et une énergie inépuisable. Voilà pour le synopsis. Aurore, qu'en as-tu pensé de ce film ? Alors du coup, pour rappel, hein, c'est issu d'une histoire vraie, c'est inspiré de ce qu'a fait la Maison de Saint-Denis. Oui. Près de, en banlieue parisienne. Je trouve que c'est un film français, par une réalisatrice française. C'est un beau casting. C'est un film qui fait passer par beaucoup d'émotions parce qu'on découvre du coup des sujets qui sont extrêmement durs, des témoignages extrêmement durs. Bon, on se rassure en se disant que c'est qu'un film, mais sachant que c'est issu d'une histoire vraie, etc. Et sachant que maintenant en France, il y a de nombreuses maisons des femmes qui ouvrent et qui sont en projet d'ouverture, etc. Grâce à cette maison-là de base, à Saint-Denis, c'est extrêmement beau à voir. Et le film, les témoignages, tous les personnages ont leur place et ont chacun un témoignage plus ou moins dur, si on peut les comparer, sur leur vie. Et personnellement, je l'ai trouvé extrêmement touchant et vraiment bien fait. En effet, hein, je te rejoins. C'est on pourrait dire un film un peu choral, justement, où on va suivre comme ça des parcours de vie de femmes. C'est à la fois dur, très dramatique, mais en même temps, il y a des moments plus légers. On sourit, voire on rigole c'est parfois. Bien imbriqué, et oui, bien équilibré. C'est vrai. Que ce soit dans le montage, dans l'histoire. On a vraiment des moments extrêmement lumineux, joyeux, où on rigole, et des moments où très durs et on est juste scotché par ce qu'on entend. Et puis bah tu l'as dit, en effet, le film est porté par un très beau casting, hein. On retrouve donc Karine Viard, hein, en tête d'affiche, accompagnée de Laetitia Doche, Oulaya Mamra et Aïdera. Il y a quand même quelques hommes dans le casting, Pierre Deladonchamp et Laurent Stoker de la Comédie Française. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que vraiment, en effet, les femmes sont au centre du film, et voilà, il y a quelques hommes qui sont là, mais ils vont pas manger pour le coup les femmes du film qui sont au cœur même de l'histoire. Mais voilà, ils sont là vraiment pour accompagner, soutenir, et ça, j'ai trouvé ça pas mal, parce que bon, parfois il y a des films qui parlent de femmes, mais on met peut-être parfois un peu trop, là encore, en avant les hommes, alors que là c'est pas du tout le cas. Oui, effectivement, là, ils sont vraiment au second plan. C'est ça, au service d'eux. C'est ça, au service d'eux. Effectivement, ça change, malheureusement. Mais effectivement, ils n'effacent pas du tout. Et même, ils sont là un peu, notamment le psychologue. Oui. Qui a vraiment à un moment, il y a cette scène-là, disons que... Bah, qu'il est un mâle blanc privilégié, on va dire. Enfin, lui, c'est ça. Oui, Et du coup, il sert même de témoin dans l'autre camp, on va dire. C'est ça, exactement. Et de montrer un peu ce qu'on reproche et ce que les personnes ne se rendent pas forcément compte, ce que les hommes ne se rendent pas forcément compte. Et du coup, ils effacent pas, ils viennent en soutien et aussi en lien de ce que l'autre camp peut faire aussi. Et tu le disais en effet, donc même si c'est un film, voilà, ça se base sur une histoire vraie, certainement aussi des récits de véraces de femmes, et ça fait écho bien évidemment aux nombreuses ouvertures qu'il y a pu avoir des maisons des femmes, notamment il y en a une récemment à Nancy. Qui a ouvert, hein, donc c'est un lieu d'accueil, d'échange, d'écoute, hein, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il va y en avoir encore d'autres, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est un beau message. Alors c'est vrai qu'avec ce genre de film, c'est toujours à double tranchant. On sait ce qu'on va aller voir, globalement. Je dirais pas qu'il y a une surprise, mais par contre, là où le film est intelligent, en effet, c'est sûr, comme on l'a dit, la place donné aux femmes et à leurs histoires, et surtout le mélange entre le drame et si je puis dire la comédie, les moments plus légers, ça vire pas dans le pathos, parce qu'on pourrait vite tomber dans le tire-larme facile, hein, finalement, hein, avec ce genre de film. Alors certes, ça émeut, hein, on va pas se le cacher, hein, je défie quiconque de regarder le film de ne pas être ému par ces histoires, mais par rapport à d'autres films, il c'est pas un film facile. C'est un film, je trouve, qui a un ton juste. Non, et puis oui, en plus du ton juste, en fait, il y a aussi ce côté éducatif. Exactement. Vraiment, le côté patient-médecin n'est pas lourd. Il y a vraiment une compréhension des deux côtés. Il y a une appréciation aussi des deux côtés, une bienveillance. Et il y a ce côté aussi, du coup, éducatif qui est rajouté, notamment sur l'explication de tout ce qui est excision et compagnie. Dans nos coutumes d'occidentaux, on n'a pas forcément complètement connaissance. En tout cas, ce n'est plus pratique. Enfin, j'espère. Oui. Plus trop fait. Mais effectivement, dans d'autres pays, ça l'est encore. Et c'est un sujet qui est très, très grave. Et là-dessus, ça éduque plutôt bien le spectateur sans être lourd et pointé du doigt. En tout cas, on est éduqué de façon sans même s'en apercevoir, comme le patient l'est, en fait. Oui, on ressort en effet. On apprend quand même des choses, même si on ne connaît pas et on n'a pas l'impression d'être jugé sur le fait de. Parce que ça pourrait être un film qui pourrait être très, très dans le pointage du doigt, vous faites rien, etc. Et en fait, au final, non. Au début, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur que ce soit ça, pointer du doigt le gouvernement qui fait rien pour aider, etc. Et au final, non, ça revire quand même bien de situation. Et j'ai trouvé ça plutôt bien. Oui, en effet, on ressort alerté, informé, éduqué, sensibilisé, bien évidemment. Alors, je ne sais pas pourquoi, même si en soi le sujet diffère, mais le film m'a un peu fait penser dans sa façon d'amener les choses et sa construction au film « Je verrai toujours vos visages ». Bon, c'est différent, hein. Ah oui. Mais les partages de parcours de vie, de témoignages. Alors voilà, c'est pas du tout le même sujet, mais cet esprit un peu film choral et autres. Bon, Je verrai toujours vos visages était beaucoup plus dramatique, appuyé sur certaines choses, etc. Hein. C'est différent, bien évidemment. Mais il y a un peu ce côté-là, et je trouve ça très bien que justement pour un film français, on aille plus sur ça que en effet, comme tu l'as dit, sur un film plus peut-être accusateur, donneur de leçons, où finalement on ne remet pas en question les choses, et là c'est pas du tout le cas. Non, effectivement, ouais. Oui, c'est vrai, effectivement, ouais, j'avais pas pensé à J'avais toujours vos visages, mais maintenant que tu le dis, oui, c'est des témoignages qui sont extrêmement durs, et ce côté relationnel, alors c'est pas des patients, mais groupe de parole, c'est ça, etc. Oui, c'est vrai. Mais ouais, effectivement, là, c'est un peu plus léger quand même. Oui, bien sûr, oui. Sur un sujet qui reste quand même extrêmement dramatique. Ah bien sûr, oui. Qui reste quand même le sujet, et en plus, il est sorti le 4 mars. Oui. c'est à peu près en même temps que le 8 mars, qui était la journée des droits de la femme. Exactement, oui. Et donc, ça, j'ai trouvé au contraire que c'était, justement, que c'était une très très bonne date de sortie et que c'était un bon moment de remettre le point sur les i. En plus, du coup, en même temps, évidemment, les gens ont commencé à faire mettre en lien sur ce qui avait été réellement fait lors de la campagne, enfin, lors de, des promesses de campagne et oui. lors de la situation ah, oui. actuelle. Mm-mm. Et du coup, j'ai trouvé que ça faisait très très bien écho. Et de voir que bon, ça avance quand même tout doucement, mais ça avance quand même. Mais qu'il y a un chemin à faire et d'éduquer par ce genre de film, je trouve que c'est une très très bonne idée. C'est très bien fait. En effet, donc on ne peut que voilà vous encourager, vous inviter à aller voir le film La Maison des Femmes, réalisé par Mélissa Godet, voilà qui est un très beau film choral. C'est son premier long métrage, je crois. Oui, premier long métrage. Elle avait fait quelques réalisations, mais c'était pas du long métrage. Mais en effet, c'est un premier long métrage. Donc bah on va la suivre de près puisque bah voilà j'ose espérer voilà qu'on la retrouvera derrière la caméra. Voilà, sur un autre sujet en tout cas. Donc voilà notre coup de cœur de ce mois de mars, voilà, qui est donc le film La Maison des Femmes. Après donc à vous avoir parlé de notre coup de cœur cinématographique, voilà, on va revenir un peu sur l'actualité cinématographique du moment et voilà, Aurore, tu auras aussi un petit fait étonnant surprenant. Donc concernant l'actualité, alors c'est elle est vraiment très récente, hein, nous l'avons appris il y a quelques jours, le 22 mars dernier, l'homme politique Lionel Jospin est mort à l'âge de 88 ans et il avait effectué un caméo de près de 3 minutes dans une comédie qui est sortie en salle en 2010, dans le film Le Nom des gens. Voilà, ce qui est plutôt étonnant, voilà, pour un homme politique, pour le coup. Donc c'est dans le film Le Nom des gens de Michel Leclerc, comédie emmenée par le duo composé de Sarah Forestier et Jacques Gamblin, qui fait cohabiter comédie romantique et politique, justement, que Lionel Jospin apparaît dans son propre rôle, une présence à l'écran, donc qui dure tout de même 3 minutes, hein, donc c'est pas juste une apparition. Donc en fait, Simon, pour la petite histoire, 6 mois avant le tournage, on a envoyé le scénario à Lionel Jospin, rue de Solferino, au siège du Parti Socialiste, voilà, racontait le réalisateur Michel Leclerc, et il n'avait aucune réponse. Et c'est par un ami d'ami d'ami que le lui a finalement remis, qui lui a remis finalement personnellement le scénario à Lionel Jospin. Et finalement, et ben il a répondu positivement à cette demande pour justement faire un caméo dans le film. Bon, il me semble qu'il y a déjà eu hein, d'autres figures politiques hein, qui sont apparues à l'écran. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Lionel Jospin a improvisé ses dialogues puisque bah le courant est si bien passé que finalement bah le réalisateur lui a laissé une entière liberté dans ses propos. Donc finalement, comme quoi, voilà, on n'a pas forcément besoin d'être acteur pour s'improviser acteur, finalement. Donc voilà, si jamais vous voulez voilà, rendre hommage à Lionel Jospin, bah, vous pouvez le retrouver donc, dans le film Le Nom des gens, sorti en 2010. Donc voilà pour la petite info cinématographique. Et donc toi Aurore, voilà un petit fun fact. Je sais que voilà tu déniches souvent voilà des petites choses qu'on ne voit pas forcément nous en tant que spectateurs. Alors oui, effectivement, moi mon petit fun fact aujourd'hui, ça va être par rapport. Alors là, je vais remonter dans les années 2000. D'accord, oui. Vous savez, dans les DVD, s'il y avait toujours une annonce pour l'anti-piratage. Ah mais oui, c'est vrai. Oui. Téléchargé, c'est du vol, etc. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la police qui, en fait, c'est l'arnaque, parce que ça reste une arnaque, en fait, la police utilisée a été en réalité, en fait, piratée, parce qu'ils avaient deux choix. Soit payer la licence de la FF Confidential, qui est du coup la police que nous, on pense voir à l'écran, et ou alors d'utiliser en fait sa version piratée qui ressemble en tout point mais qui légalement ne touche pas, n'est pas payante et puis bah on n'a pas besoin de droit d'auteur, oui. Qui est du coup la X-Band Rough. Et donc, du coup, les créateurs de cette bande-annonce se sont dit, bah, écoutez, c'est plus simple, c'est moins cher, donc on va utiliser la police. Alors que n'importe quelle boîte de production, de montage, etc., doivent utiliser, évidemment, payer les droits d'auteur pour les musiques, etc. Et donc, pour cette bande-annonce qui est contre l'arnaque, contre le vol, l'anti-piratage, eh ben, ils ont eux-mêmes utilisé une police piratée volontairement. Ah, ok, d'accord. Pendant une vingtaine d'années, en fait, ils n'ont jamais parlé jusqu'à ce qu'il y ait une journaliste qui découvre un peu la supercherie et en parle avec le créateur, l'auteur de la police FF Confidential, qui a trouvé un peu d'ironie assez marrante. Voilà. D'accord, très bien. Comme quoi, on apprend tous les jours, même 20 ans plus tard. Merci Aurore, voilà, pour ce fait étonnant et surprenant. Pour terminer ce podcast, on va un peu se projeter dans les semaines à venir avec les prochaines sorties, car il y en a un certain nombre. Alors toi, Aurore, qu'est-ce qui te hype prochainement au cinéma ? Alors moi, c'est un film d'animation du studio Illumination et coopération avec Nintendo, oui. Super Mario Galaxy. Très bien, oui. Donc, 4 avril. Alors du coup, on retrouve, parce que c'est la suite de Super Mario qui était sorti il y a 2 ans. Oui, c'est assez récent, hein. Donc on retrouve plutôt Mario et Luigi, donc les plombiers jumeaux, qui donc maintenant appliquent leur énergie à résoudre les problèmes du quotidien autour de leur nouveau foyer au royaume des champignons. Alors qu'ils assistent la princesse Peach et Ed Bowser, désormais miniaturisés et captifs à se réhabiliter, ils font la rencontre d'un nouveau compagnon qui est Yoshi. La fête d'anniversaire de la princesse Peach va cependant déclencher une aventure galactique qui amènera les deux frères dans l'espace afin de mettre fin aux manigances de Bowser Jr., donc le fils de Bowser, oui. Et de secourir Harmony. L'arrivée de ces deux personnages acclamés ajoute une bonne dose d'action, de comédie, ainsi que la révélation bouleversante de l'aventure. Bon, bah, franchement, le premier était incroyable, faut le dire. Oui. Franchement, ça a été un succès mondial. Donc, bon, les attentes sont fortes, en tout cas, pour cette suite. Très, très, très fortes, oui, effectivement. Là, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ça, là-dessus, Illumination, là-dessus, c'est quand même un studio, notamment avec... les moches, oui. Chez méchants avec les mignons, etc., et qui ils ont fait franchise sur franchise sur franchise. Oui. Ils sont très très forts là-dedans. Ils sont toujours couronnés de succès. Et là, du coup, faire l'alliance avec le personnage le plus mythique de chez Nintendo, généralement, ça passe plutôt bien. Après, oui. On n'est pas à l'abri d'eux. Non. Mais, c'est sûr. La bande-annonce donne envie. Donc. Oui, je te rejoins, moi aussi, voilà, j'ai hâte de le voir. Et donc, un peu après, le 15 avril prochain, sort le nouveau film d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Voilà, on ne les présente plus, hein, après Intouchables, notamment, et Le Sens de la Fête, hein, qui ont été des énormes succès au cinéma. Ils reviennent avec leur nouvelle réalisation, Juste une illusion. Donc là, on est en 85. Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu'il n'est déjà plus un enfant et qu'il n'est pas encore un adulte, nous allons partager ses questions et ses doutes sur l'identité, l'amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. C'est une comédie sur cette période de l'enfance où l'espoir de changer le monde n'était pas juste une illusion, justement. Voilà, donc on va retrouver Louis Garrel, Camille Cotin, Pierre Lotin au casting. Bon, clairement, c'est du pur Toledano et Nakache, hein, au niveau des sujets, des thèmes abordés. Ça se passe dans les années 80, donc je pense que pareil, ça sera très bien retranscrit cette époque-là. Et puis, bah, les thèmes qui vont être abordés, ça va parler à tout le monde. Donc, clairement, là encore, je pense que voilà, ça annonce possiblement un bon et beau film, en tout cas je l'espère. On est rarement déçu, en tout cas avec Eric Toledano et Olivier Nakache. Donc voilà, on les retrouvera avec cette nouvelle réalisation le 15 avril prochain. On arrive déjà à la fin de ce podcast, donc n'oubliez pas d'aller voir La Maison des Femmes, hein, qui est notre coup de cœur cinématographique du moment. N'hésitez pas, bien évidemment, à suivre notre page Instagram OK Ciné. Voilà, vous y retrouverez bah, notamment des critiques de films un petit peu plus ARS, voilà, pour aussi ouvrir un peu le champ des possibles sur tout ce qui est proposé sur grand écran. Et voilà, on vous présente également depuis quelques temps aussi les prochains films à venir. Voilà, ceux qui nous hype. Bon, bah, bien évidemment, Mario et Justine Illusion, mais il y aura aussi d'autres films à venir. Aurore, merci en tout cas encore une nouvelle fois, voilà, pour ce partage. On se retrouvera donc bientôt pour un prochain podcast qui est pour vous parler de cinéma, bien sûr. Eh bien, merci à toi, Kevin, et puis à bientôt. Oui, à bientôt. Ciao.